بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc on termine maintenant donc ce qui nous reste dans cette épître, hein, donc qui parle de ce sujet important qui est la science de la critique et de l'éloge. Regardez donc comment le cheikh il a fait donc cet effort de nous rappeler les athars de As-Salaf et de montrer la place de cette science chez les Salaf et chez les imams de la Sunna. Et chez les imams de la Sunna, non pas comme la méprise des gens des innovations. Al-Ahwa, yahtaqiruna hadha al-ilm wa yantaqisunahu wa yuzahiduna an-nas fihi. Ils essaient d'éloigner les gens par rapport à cette science. Parce qu'ils savent, comme avait dit Cheikh Mokbir Rahimahullah, يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعلمون أنهم مجروحون. Ils ont peur de la science qui est la critique et l'éloge parce qu'ils savent qu'eux ils sont critiqués. Ils savent qu'eux ils sont critiqués et qu'ils sont critiquables, qu'on peut les critiquer. Donc là, c'est pourquoi ils ont peur de cette science, alors que le croyant il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et si quelqu'un lui montre son erreur, il doit le remercier. Il doit corriger. Alhamdulillah, et at-tawba, c'est une adoration. Le fait de faire tawba, le fait de se repentir de l'akhta, c'est une bonne chose. Donc avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, al-maliku al-qahhar. Très bien. Donc après cela, le cheikh il a dit, et sache qu'Allah te guide vers la vérité. Hadak Allah ila al-haq. Qu'Allah te guide vers la vérité. Que cette science grandiose ne se limite pas aux rapporteurs du hadith. Elle ne se limite pas aux rapporteurs du hadith. Comme certains laissent entendre. Certains ils disent, cette science, ça concerne rouet, ça concerne les rapporteurs. Non, ça ne se limite pas qu'aux rapporteurs. Écoute ce qu'avait dit Ibn Rajab. Ibn Rajab, al-Hanbali, rahimahullah, dans Al-Farq, bayna al-Nasiha wa al-Ta'yir. D'accord? La différence entre nasiha, entre le conseil, et entre l'insulte, et entre l'injure. Donc là, il a une risala qui est importante. Il a dit cela, il se trouve dans la référence qui est Majmou' al-Rasail, le volume numéro 3, page 464. Il a dit, et il n'y a pas de différence entre le fait de détracter des rapporteurs des termes du hadith, en distinguant entre celui dont le rapportage est acceptable et celui dont il est inacceptable, et entre le fait de montrer l'erreur d'un tel qui se trompe dans la compréhension du sens du livre et de la sunna. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer celui qui rapporte les termes et celui qui rapporte des sens. Celui qui va venir prêcher des sens qui sont faux, qui sont nouveaux, qui sont faux, qui sont inventés. Le fait de venir avec des termes erronés du hadith qui ne se trouvent pas dans le hadith, ça c'est critiqué. Et le fait de venir avec le hadith, c'est-à-dire comme il est, etc., voici les versets, voici qala Allah qala Rasulullah, mais donner d'autres sens qui sont faux, cela aussi, donc il est critiqué. Critiquer les rapporteurs et critiquer les prêcheurs, d'accord, qui donnent des sens au texte. Très bien. Donc il a dit, et entre le fait de montrer l'erreur d'un tel qui se trompe dans la compréhension des sens du livre et de la sunna, qui en interprète une partie de façon incorrecte, qui s'attache à ce qui n'est pas fondé, yatamassaku bima laysa fihi hujja, d'accord, afin d'avertir contre le fait de le suivre dans ce qu'il commet d'erreur, les gens de science sont unanimes sur la permission de cela également. Les gens de science, ils ont dit cela, il est permis de critiquer les gens qui viennent avec des sens nouveaux, qui sont des innovations. D'accord? Ils ont dit, il est permis. Et donc, le cheikh, il a mis une note comme quoi, un savant contemporain qui est Abdurrahman Mouhiddin, il a dit, non pas seulement la permission, mais l'obligation de faire cela. Il fait partie de l'obligation des gens de science que de critiquer ces gens et de ne pas laisser ces fautes passer. D'accord, l'obligation et non pas seulement la permission comme il est dans la citation de Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Fin de citation. Cheikh Abu Abd A'la, après cela, il a commenté, je dis, il en est de même dans la réplique au contrevenant, Ferrad al-Mukhalif, concernant le fait de critiquer al-Mukhalif, le contrevenant, celui qui se trompe, et qui commet une erreur et qui contredit la sunna. Elle ne concerne pas que les gens de passion. Elle ne concerne pas que les gens de passion. D'accord? Mais plutôt elle englobe le contrevenant qui fait partie des gens de la sunna. Même si quelqu'un qui fait partie déjà des gens de la sunna, mais qui a commis une erreur, donc là, il s'agit aussi donc de réagir face à l'erreur d'abord, et de voir quel est le comportement qui convient vis-à-vis de la personne. Elle englobe le contrevenant qui fait partie des gens de la sunna. Néanmoins, il distingue, c'est-à-dire les gens de science, il distingue dans la manière de réfuter entre l'innovateur et le salafi. Donc on ne va pas mettre dans le même sac celui qui est connu par les innovations. C'est quoi à notre époque, le Qardawi, ou Mohamed Hassan, ou le Khouaini, ou Sayyid Qutb, ou ces innovateurs qui sont très connus, ou El Moudoudi, et ainsi de suite, ils sont nombreux malheureusement. On ne va pas mettre dans le même sac ces gens, comme aussi quelqu'un qui, par exemple, il est sunni, un savant sunni, mais qui s'est trompé dans un point. Le point, on le rappelle et on le corrige, mais cette personne, on va lui dispenser le conseil, de préférence en secret. De préférence en secret, parce qu'on sait que cette personne, elle accepte le haq. Donc c'est mieux que de critiquer la personne publiquement d'abord. Mais par la suite, il faut donc faire un bayan, que ce soit la personne, elle revienne, ou bien donc si par exemple on craint que la personne n'est pas revenue, donc on fait un bayan comme quoi cela se trouve dans tel livre et cela a été dit par telle personne. Très bien. Donc là, il a dit, néanmoins, il distingue dans la manière de réfuter entre l'innovateur et le salafi, entre le savant et celui qui se prend pour tel alors qu'il est ignorant. Donc il distingue entre le savant et entre celui qui est ignorant et qui se prend pour un savant. Muta'alim. Ibn Rajab dit, dans Al-Nasiha, dans Al-Farq bin Nasiha wa Ta'ir, dans Al-Nasiha, le volume numéro 3 dans Al-Rasail, Majmou' Al-Rasail, la page 467, dans cet épître même qui a été cité tout à l'heure, il a dit, quant à celui qui montre l'erreur des savants qui l'ont précédé et s'était trompé, s'il observe la bienfaisance dans le discours, et qu'il excelle dans son exposé, et qu'il parfait sa réplique et réponse, il n'y a aucun mal en cela. Des gens font maintenant des cours pour critiquer la science de l'Jarh wa Ta'dil. Alors que ce savant, cet imam, Ibn Rajab Rahmah, il n'y a pas de mal en cela, de critiquer les gens. Donc, même de critiquer des gens de la sunna. D'accord? Il a dit avec ses conditions. En observant des règles donc dans la bienséance, dans le discours, et ainsi de suite, il n'y a pas de mal en cela. Aucun blâme ne se dirige à son encontre, à l'égard de quelqu'un qui critique un savant de la sunna. Il a dit, il s'est trompé dans tel point. C'est-à-dire, il montre qu'il s'est trompé avec science, il n'y a pas de mal en cela. Les imams pieux ont manifestement rejeté des paroles faibles venant de certains savants. Les imams pieux ont manifestement rejeté des paroles faibles venant de certains savants. Ils les ont réfutées magistralement, comme Ahmed répliquait clairement à Abi Thawr et à d'autres pour des propos faibles par lesquels ils se sont singularisés. Comme ce qui a eu lieu entre l'imam Ahmed et Abi Thawr. Donc il n'y a pas de mal de critiquer l'erreur même du savant sunnite. D'accord? Tout cela, on le prend selon cette apparence. Donc là, les gens, ils veulent justifier les erreurs. Donc les innovateurs en disant, voilà, même il y a eu donc cela, c'est-à-dire ces répliques entre l'imam Ahmed et Abi Thawr, donc vous ne devez pas rentrer dans la critique des innovateurs contemporains et ainsi de suite. Les erreurs, c'est une chose humaine. Comme ils disent, the error is human. Se tromper fait partie donc du genre humain, il se trompe. Mais il s'agit de voir quel genre d'erreur. L'erreur qui est dans le comportement n'est pas comme l'erreur qui est dans la aqida. ou dans le manhaj. Hein? Et l'erreur sur laquelle la personne persiste n'est pas comme l'erreur que la personne donc elle va corriger. D'accord? Il s'agit de voir quel genre d'erreur d'abord. Hein? Très bien, donc là, voilà, après cela, après ce qu'il a raconté entre ces deux imams, Ahmed et Abi Thawr, hein, tout cela, on le prend selon cette apparence, de même que celui qui montre l'erreur, hein, qu'il soit petit ou grand, hein, même si, par exemple, il est en train de répliquer à quelqu'un plus grand que lui, c'est-à-dire dans la science, hein, ou même dans l'âge, mais il a relevé une erreur qu'il s'agit de corriger pour que cette religion, hein, il n'y s'y infiltre pas, donc des erreurs. Hein. Qu'il soit petit ou grand, il a un exemple dans les savants ayant répliqué, hein, à des avis d'Ibn Abbas par lesquels il se singularise. Hein. Tel que Al-Mut'a, le mariage temporaire, et As-Sarf, et les deux Umra, et etc. C'est-à-dire, ils ont critiqué des points chez Ibn Abbas. Hein. Donc là, c'est des gens de science, c'est-à-dire, ils n'atteignent pas le degré d'Ibn Abbas, mais ils l'ont critiqué quand même. Hein, ils l'ont critiqué, d'accord? Parce qu'il s'agit de critiquer ce qu'ils jugent être une erreur. Hein. Donc là, regardez que même chez les gens de la Sunna, il y a cela. Hein. Que dire à l'égard des gens qui sont connus par les innovations et par les passions, l'ahwa, t'ajara bihum l'ahwa. D'accord? Jusqu'à ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire, cette citation de Ibn Rajab, jusqu'à ce qu'il dit, tout cela concerne les savants qui sont des modèles en religion. Hein. Cela concerne même les gens de la sunna, hein, qui sont des modèles dans la religion, mais yani, amsila, fi ad-din. Hein. D'accord? Quant aux gens des innovations et d'égarements, hein, et celui qui se fait ressembler aux savants tandis qu'il n'en fait pas partie, il est permis de montrer leur ignorance et clarifier leurs défauts en vue d'avertir contre le fait de les suivre. Hein? C'est, il faut les critiquer, mais ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas donc d'honneur. Hein? D'accord? Parce que ce sont des gens qui ont préféré le hawa, hein, au détriment de la sunna. Non pas, donc ils ne suivent pas la sunna, mais ils suivent al-hawa. Après cela, Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah ta'ala, il a dit, les gens des innovations ont en commun une caractéristique principale, qui est de contredire le sentier des pieux prédécesseurs dans la compréhension du livre et de la sunna. Ce qui réunit tous les groupes innovés, c'est qu'ils ont donc une inimitié, une haine à l'égard des salafis et donc de as-salaf salih. Hein? Ils ont une caractéristique principale, simatun barizah fihim wa alama mumayyizah lahum, c'est qu'ils contredisent le sentier des pieux prédécesseurs, mukhalafat manhaj as-salaf salih, hein, dans la compréhension du livre et de la sunna. Ils suivent leurs passions et opinions fondées sur des choses ambivalentes, hein, non pas limpides. Yattabi'un al-ahwa wal-mutashabih. D'accord? Ils contrarient ainsi le livre et la sunna. Yattabi'un al-falsafat. Ils sont en train de philosopher. Et ainsi de suite. Minhum hadha al-mutafalsif Tariq Ramadan, wa hadha al-faylasuf al-jadid Islam bin Ahmad, wa hadha al-mutafalsifin, hadha al-juhal. Donc ils ont délaissé la sunna, ils sont en train de philosopher. Ils sont en train de philosopher. Ils pensent que la religion de l'islam, c'est une philosophie. Hein? Subhanallah. Donc là, la religion de l'islam, c'est une religion. Donc il s'agit de revenir aux gens de science, de prendre la vie, et lorsqu'il est étayé par les preuves, il s'agit d'y croire. C'est une science et non pas une philosophie. Hein? Comme eux, ils s'adonnent à la parole et ainsi de suite, et donc ils essayent même d'embellir les paroles pour tromper les jeunes. Très bien. C'est pourquoi ils se montrent aussi. Même dans leur côté vestimentaire, hein, il est travaillé, et donc le studio donc dans lequel ils filment, hein, c'est donc ils font cela pour tromper les gens et pour égarer les gens. Ils n'enregistrent pas que des audios par exemple que les gens vont écouter, ou bien que des livres ils vont lire et voir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Mais ils se montrent, hein, Et donc ils ont donc même donc du côté de l'apparence des choses pour tromper les gens, hein, des choses pour tromper les gens. Très bien. Voilà, il a dit qu'ils ont cette caractéristique qui est de contredire les gens de la Sunna. Ils suivent leurs passions et opinions fondées sur des choses ambivalentes, hein, non pas limpides. Ils contrarient ainsi le livre et la Sunna, hein. Ils ne s'affilient donc pas à la Sunna, soit explicitement par la langue, soit implicitement par le statut. Eux-mêmes, la yantasibun ila sunnah. Ils ne disent pas je suis salafi. Ils ne disent pas je suis sur la voie de salaf salih. Hein? Ils ne disent pas cela. Et parfois, certains parmi eux, ils disent nous, on est sur la voie de salaf salih, mais on n'est pas salafi. Regardez cette contradiction, comme celle de Jamie tout à l'heure. Comme celle des Mu'tazilites, lorsqu'ils ont dit sami'un bila sam'a. Hein? C'est comme ce que dit aussi Rachid Abou Hudayfa, il dit, moi je suis self-salih, je suis en train de suivre self-salih, mais je ne dis pas que je suis salafi. Regardez, comme si quelqu'un par exemple, il est marocain, ou donc il est français, il est en France, il va dire, je fais partie de cette terre, du Maroc, mais je ne suis pas marocain. Hein? D'accord? Ou bien quelqu'un qui est né français, et ainsi de suite, il va dire, je fais partie donc de cette terre qui est la France, mais je ne suis pas français. Hein? Donc cette dérivation, on va pas l'apprendre. Donc là, subhanallah, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a dans la voix du salaf pour dire je suis pas salaf? Il n'y a que le bien et il n'y a que le khair. Hein? Il n'y a que le bien. Il n'y a que le khair. Pourquoi donc dire je suis pas salaf? D'accord? Donc là, il a dit, il contrarie ainsi le livre et la sunnah. Il ne s'affilie donc pas à la sunnah, soit explicitement, sarahatan, bil tasrih, bil lisan, hein, soit implicitement par le statut, bil hal, bil lisan il hal. D'accord? Par conséquent, soit il s'apparente franchement à des dénominations autres, hein, telles que al-Jahmiya, al-Khawarij, al-Asha'ira, al-Mu'tazila, al-Sufiya, al-Ikhwan, al-Tablir, etc. Soit ils font semblant de s'affilier à la Salafiyya, par simple prétention, alors qu'ils contredisent telle affiliation par la croyance et l'œuvre. Il y a des gens, hein, qui ont rallié les mouvements donc de Khawarij, qui ont rallié par exemple le Jahmiya, qui ont rallié l'Asha'ira, etc. Clairement. Et il y a des gens qui disent, nous on est salafi, tels que par exemple Ad'iya Salafi, ceux qui s'appellent Ad'iya Salafi, qui ont été réfutés par les gens de science, par les savants arabes au fond, les grands savants, tels que Cheikh Ibn Baz, et tel que Cheikh Al-Albani, et tel que Cheikh Al-Fawzan, et tel que Cheikh Al-Uthaymin, et tel que Cheikh Mokbil, et tel que Cheikh Rabi', et Cheikh Najmi, Cheikh Zayd, hein, et Cheikh Ubaid, et Cheikh Mohamed Ben Hadi, et Cheikh Abdullah Al-Bukhari, et ainsi de suite, et leurs frères, hein, et Cheikh Abu Abd A'la, hein. Donc, ils ont critiqué ces adhiya de As-Salafiyya, hein, qui ont dit, nous aussi, on est des Salafis, hein. Tel que Salman Al-Aouda, cet innovateur, et tel que, par exemple, Mohamed Hassan, et tel que, ceux qui sont au Maroc, Aïd Al-Qarni, qui est donc un Saoudien, au Maroc, Mohamed Maghraoui, ou bien en Algérie, donc il y en a, hein, Abbas Madani, c'est ça. Donc ils prétendent qu'eux, ils sont sur la Salafiyya, hein, alors que ce sont des ad'iyya de la Salafiyya. Ils prétendent, alors qu'il est sur le Qawa'id de l'Hizbiyya. Il est en train de suivre les règles de leur hizb. Et il dit, moi aussi, je suis salafi. Pour tromper les gens. Au point que les gens, même lorsque j'ai parlé du côté vestimentaire, ils vont, lorsqu'ils le voient, ils voient l'ihya et le qamis. Donc là, au point que les gens de la masse, ils se trompent. Ils disent, voilà, c'est ça, sunna. C'est ça, les gens de la sunna. Et ils pensent que tous les gens qui sont comme cela, ils sont du même, c'est-à-dire, du même sentier, de la même voie, du même chemin. Alors qu'il y a des gens qui sont des adliyats de salafi, qui sont des ikhwan, ou qui ont d'autres croyances, hein, mais ils ne sont pas donc des vrais salafi. D'accord? C'est pourquoi le cheikh ici, il a fait cette remarque. Il a dit, par conséquent, soit il s'apparente franchement à des dénominations autres, telles que al-Jahmiya, al-Khawarij, al-Asha'ir, al-Mu'tazila, Al-Sufiya, Al-Ikhwan, Al-Tablir, etc. Soit ils font semblant de s'affilier à la Salafiyya par simple prétention, alors qu'ils contredisent telle affiliation par la croyance et l'œuvre, hein, en s'opposant à des fondements grandioses en elle. Hein, ils vont s'opposer à des fondements dans la croyance de Salaf Saleh, et ils continuent à se dire, mais moi je suis Salafi. Hein, mais moi je suis Salafi. D'accord? Les plus dangereux parmi eux sont ceux qui imputent leur faute à la méthodologie salafie, qui vont dire ça, c'est, ça fait partie de la voie salafie. Celles que ceux qui veulent, par exemple, justifier le khuruj al-hukam, ils vont essayer de, d'arracher, c'est-à-dire certains faits qui ont eu lieu donc jadis, hein. Fi'l Abdullah ibn Zubair, ou fi'l Hussein, hein, ou fi'l Aisha, donc ils vont essayer donc de s'attacher à cela. Mais vous oubliez tous les autres compagnons. Et d'ailleurs, les gens de science, ils les ont réfutés, même sur ces faits. Même sur ces faits, hein, ils les ont réfutés. Même sur ces faits, les gens de science, ils les ont réfutés. Donc là, ils essayent donc d'imputer leur erreur et de dire, c'est ça la voie de Salaf Saleh. Ils ont dit, voilà, ils veulent rendre quelque chose qui était une exception ou un fait rare, le rendre comme si c'était la règle de base. Hein, la règle de base. Alors que Al-Khurja Al-Hukam, il y a l'ijma' de Sahaba et l'ijma' de Salaf Saleh comme quoi que c'est interdit de se rébeller contre le gouverneur, injuste, al-zalim. Hein, et que c'est quand quelqu'un il atteint le degré de la mécréance, hein, et que d'autres conditions sont réunies, c'est-à-dire le pouvoir, de pouvoir l'écarter, l'évincer avec, c'est-à-dire un moindre mal, qu'il est possible, hein, donc aux musulmans de passer à cela. Et non pas, donc, du moment que, donc, ils se rébellent même contre l'injuste, contre le musulman, l'injuste, hein, wallah al-musta'an. D'accord, il a dit le cheikh, les plus dangereux parmi eux sont ceux qui imputent leur faute à la méthodologie salafie, qui les expose aux gens comme relevant de cette voie des pieux prédécesseurs. Ils vont dire, ce que nous sommes en train de faire, ça fait partie de la voie de Salaf Saleh. Tandis qu'il s'agit en réalité de fondements de l'Khawarij, de l'Mu'tazila, des Soufis et autres. Ils vont dire, voilà ça, ça fait partie de la voie de Salaf Saleh. Comme les Soufis, ils essayent d'imputer certains de leurs comportements à Salaf Saleh. Mais celui qui manifeste un minimum d'intérêt pour les livres de la croyance salafie, ça vise de la supercherie et du mensonge. Hein? D'accord? Celui qui a étudié, par exemple, donc la aqida de Salaf Saleh, il va remarquer que ces gens sont en train de mentir et sont en train de tromper. Hein? Sont en train donc de tromper la masse. Ceci, contrairement au savant éducateur, contrairement à la faute qui émane d'un savant rabbani, éducateur. D'accord? Mujtahid. Hein? Non pas le conteur d'histoire ni l'ignorant. Non pas le qassas. Hein? Non pas le qassas. Mais plutôt le savant éducateur lorsqu'il tombe dans une erreur, par exemple. Contrairement au savant éducateur qui peut se tromper dans une innovation ou commettre une erreur dans les fondements involontairement et sans suivre la passion. Il se peut que le savant éducateur, l'alim rabbani, al-mujtahid, il tombe dans une erreur, involontairement d'abord, hein, et aussi sans suivre la passion. Hein, sans suivre la passion. Non pas comme font les innovateurs. Donc là, comme disent les gens de science, celui qui tombe dans une innovation n'est pas nécessairement un innovateur. Il se peut que la personne se trompe. Mais, on voit là, donc, celui qui est sunnite, hein, il est tombé dans une erreur. Celui qui vient donc il a un ressourcement, une source sunnite, hein, et qui est tombé dans l'erreur. C'est pas comme lorsqu'un innovateur, il est en train de commettre l'erreur, il est contraint donc de se fanatiser pour son erreur. Aussi, il est en train de dire, le cheikh, hein, parmi leurs caractéristiques aussi, il y a le fait de donner des sobriquets rébarbatifs aux gens de la secte victorieuse et aux groupes sauvés. Ils vont donner des alqab, munaffira. Ils vont donner des alqab, des sobriquets, des surnoms pour éloigner les gens par rapport aux gens de la sunna. Hein? Ils vont donner des sobriquets, hein, pour repousser les gens par rapport à la secte victorieuse, au groupe sauvé. Les salafis, hein, ils essayent de les repousser de ce groupe, c'est-à-dire des salafis, c'est-à-dire des gens du hadith, quand ils mettent en garde contre les innovations, hein, et les groupes inventés. Hein, ils vont dire, il ne faut pas écouter ces gens, etc., etc. Ils vont leur donner des alqab, hein, Il les taxe alors de wahhabi. Comme ceux, lorsque la da'wa de Mohammed ibn Abd Wahhab a commencé, ils l'ont combattu. Qui a combattu la da'wa de Mohammed ibn Abd Wahhab? C'est notamment les soufis, Qubouri, qui adorent les tombes. Ils n'ont pas voulu que l'adoration des tombes cesse. Et aussi les Rafida, qui sont aussi des Qubouri. Les Rafida qui détestent les Sahaba et qui sont aussi des Qubouriens. C'est les premiers à avoir bâti sur les tombes, c'était les Rafida. C'était les Rafida. C'était les premiers à commettre ce genre de shirk dans la Ummah. Donc là, il les taxe de Wahhabi. Il les taxe de Wahhabi. Voilà aussi de Al-Jami. Il donne le laqab de Al-Jami. Alors que Al-Jami, il est proche de nous. Ses cassettes sont connues. Qu'est-ce qu'il enseignait? C'était un enseignant de l'Aqida. Un enseignant de l'Aqida originaire de l'Éthiopie et qui a eu même des postes élevés au niveau de l'université saoudienne parce que c'était un homme très doué dans l'Aqida. Donc, je pense même qu'il était donc doyen d'une faculté. Doyen d'une faculté comme ça. Donc, parce qu'il avait beaucoup de zèle et beaucoup de connaissances, notamment dans la croyance. Il a beaucoup de doros, mashallah. Il donne ses surnoms de Wahhabi, de Jami, de Albani. Ils disent Albanion, Albanion, Albanion. C'est-à-dire vous fanatisez à Albani. Personne ne se fanatise pour l'Albani. L'Albani, c'est un alim, c'est un savant. Ils disent aussi des Madkhali, Madakhila. Ils disent Madkhali. Aussi pour repousser les gens par rapport à au savant qui est Rabi' al-Madkhali. Ils disent aussi Fattanoun. Ils disent les Fattanoun. Ils veulent parler les gens de la Sunna. Alors que ce sont eux les Fattan. Ce sont eux qui sortent dans les manifestations et qui cherchent la fitna tout le temps. Même que ce grand innovateur qui est le Qardawi, il a dit moi je veux mourir comme khatib fitna, vivre comme khatib fitna et mourir comme khatib fitna. Allahumma ahini al-fitna wa amitni ma'a khutaba al-fitna wa ahshurni ma'a khutaba al-fitna. Subhanallah. Subhanallah al-azim, hada kalam khatir jiddan. Là c'est une parole vraiment dangereuse, cette personne il a beaucoup d'égarements. Donc là ils disent aussi fatanun, et ils disent qu'ils divisent, ils divisent. Fatanou, c'est-à-dire des fauteurs de troubles. Alors que les gens de la Sunna, ils sont connus comme des gens qui aiment donc le regroupement, qui aiment le rassemblement, qui sont toujours avec Jama'at Muslimin, qui ne se séparent pas du gouverneur, qui font nasiha, qui font dua au gouverneur, qui aiment que les choses soient corrigées. Donc ils font, donc ils sont des gens de rassemblement, alors que eux, ils les considèrent comme étant des fatans. Et il y a aussi, par exemple, aussi, Mufarriqoun, ils disent vous divisez, Mufarriqoun, et ainsi de suite. Alors que ce sont les bid'a qui divisent. C'est eux qui divisent. Très bien. Et ils oublient que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a légiféré pour nous l'avertissement contre ceux qui contredisent la sunna. C'est le prophète, alayhi wa sallam, qui a commencé cela. Qui a montré cette voie de critiquer les gens d'innovation. Et que c'est lui qui a informé de la division de la communauté. C'est lui qui a informé, par la prophétie, il a informé que cette communauté se divisera en 73 sectes. Qui sont, donc 72 sont voués au feu et une secte elle est sauvée. Walhamdulillah. Donc là, que c'est lui qui a informé de la division de la communauté. Que c'est lui qui a mis en garde contre les pistes de ces groupes inventés. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis en garde contre ceux-là. En réalité, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. D'accord? Lorsque le prophète il a récité les versets qui sont en début de la sourate Ali Imran, il a dit lorsque vous allez voir ceux qui essayent donc de faire cette chose, qui suivent le mutashabih, ou les aïk al-dina sammallah, ce sont là les gens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommés, hein, et qu'il désigne, hein, fahdaruhum. Prenez attention, prenez garde, donc, à l'égard de ces gens. D'accord? Ces gens, comme disait le shaykh tout à l'heure, hein, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a mis en garde contre les fils de ces groupes inventés, et qui a ordonné de suivre le sentier de la secte mère, al-jama' al-um, hein, la secte mère, qui est, hein, sur ce, sur quoi il était, hein. Jama' al-um, c'est-à-dire les salafis, les gens de la sunna, ils sont sur la voie, donc, sur laquelle était le prophète et ses compagnons. Hein? Très bien. Maintenant, le cheikh, il va passer au dernier point qui est les fruits de ce ilm, de cette science. Hein? Le fruit, hein, de ce savoir qui est le zarah wa ta'dil, samarato, comme il a intitulé, ou samarato, hein, ces fruits. Il a dit, de là on s'avise du fruit grandiose de cette science valeureuse, la science de la critique et de l'éloge, hein, qui n'a été instaurée que pour montrer le statut de tout un chacun qui contredit le sentier, hein, de cette secte sauvée. Voici le premier fruit, c'est de montrer, de nous indiquer d'abord, hein, qui contredit cette secte sauvée, hein, pour faire attention à l'égard de cette personne, hein. Le sentier des compagnons et des pieux prédécesseurs, et pour avertir contre les voies des groupes et des partis dont Allah subhanahu wa ta'ala avait dit inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. En traduction rapprochée du sens de ce verset, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela, hein, tu n'es responsable en rien, c'est-à-dire le désaveu, al-bara'atu minhum. C'est-à-dire que le prophète bari min man ahdathu wa bari min ahli al-bid'a wal ahwa, hein, ceux qui ont émietté leur religion et qui y ont suivi des partis et qui ont suivi des groupes comme ceux-là inventés, hein, lasta minhum fi shay, hein, donc tu n'es en rien responsable de, et tu te désavoues de, hein. Allah azza wa jalla barra an-nabiyahu wa rasulahu min ha'ula. D'accord. Sourate Al-An'am, le verset 159. Par conséquent, il incombe aux musulmans, s'il entend, hein, qu'un savant met en garde contre l'un de ceux qui contredisent la sunna, si vous entendez qu'un savant il a mis en garde contre quelqu'un qui a contredit la sunna, hein, qu'est-ce qu'il nous incombe? De ne pas se mettre en colère, ni se crisper pour lui. Ne pas se mettre en colère parce que il y a eu donc un rad ou bien une réfutation, une critique, hein, ou se crisper pour un tel, hein. Il doit plutôt se résigner à la vérité. Se résigner à la vérité. Accepter la critique parce qu'elle est fondée. D'accord? Il doit plutôt se résigner à la vérité. Croire que cet avertissement s'inscrit sous le chapitre du conseil en religion, hein, par lequel se réalise l'union des musulmans sur la méthodologie de vérité par le biais duquel se concrétise la séparation entre le groupe sauvé dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de suivre le sentier et entre les groupes s'étant écartés de cette voie droite. D'accord? Il ne s'agit pas de se fanatiser à un cheikh, à un shuyukh de Al-Bida'. Comme avait écrit cheikh Abu Abd Allah, il y a un livre qu'il a intitulé At-Ta'assub li Shuyukh. At-Ta'assub li Shuyukh, Awatif Mashoub bil Ahwa. Il a écrit un grand volume, hein, je crois que c'est en deux tomes, où il y a, donc il est en train de critiquer cette maladie qui est de se fanatiser pour un innovateur, hein. Et Cheikh Rabi aussi, il a une risale qui est At-Ta'assub Zamim, hein, qu'on va citer tout à l'heure, At-Ta'assub Zamim. C'est-à-dire se fanatiser et se crisper pour quelqu'un qui est sur le faux, hein, sur le faux. Très bien. Quiconque veut plus de détails, qu'il se réfère donc au livre de notre érudit, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, l'imam de la critique et de l'éloge à cette époque. Hein? Ce savant, c'est un imam de la critique et de l'éloge à notre époque, comme donc les gens de science l'ont qualifié par ce laqab, hein? Par ce titre. Ils ont dit, c'est l'imam de Jarh al-Ta'dil à notre époque, comme l'avait fait l'Albani par exemple. Il avait dit, hein, « وَبِخْتَسَابْ نَعْقُولِ إِنَّ حَمِلْ رَيْتُ الْجَرْحُ وَالْتَعْدِيلِ الْيَوْمُ فِي زَمَنْ الْحَادِرِ هُوَ أَخُونَ الشَّيْخَ الدكتور ربيع المدخلي. وكل الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. Il a dit que celui qui porte l'étendard de cette science, de la critique et de l'éloge à notre époque, c'est Cheikh Rabi', et que ceux qui lui répliquent, ils ne lui répliquent jamais par la science, alors que la science, elle est de son côté. Parce que lui, lorsqu'il critique, il critique avec des preuves et que c'est un savant. Donc là, Cheikh Abu Abdel, il a dit ceux qui veulent plus de détails, parce que cette question, elle est mukhtasara. Ceux qui veulent plus de détails, qu'ils retournent donc au livre de Cheikh Rabi', tel que منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف. C'est-à-dire la voie, la méthodologie des gens de la Sunna dans la critique de الرجال, des hommes, de الكتب, des livres et des groupes de الطوائف. D'accord ? Ainsi que le livre المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء. C'est-à-dire la voie limpide et claire, dans la défense et dans la protection de la sunna, de la sunna. Très bien. Ainsi que son livre, le troisième livre, An-naqd manhajun shar'i. La critique, c'est une méthodologie légiférée. La religion a légiféré la critique. Puisqu'on a vu donc dans les premiers textes, dans les premiers nosos, que le prophète il a critiqué des gens qui ont dévié, tel que Nabira, Hamal ibn Nabira, qui a commencé à parler comme les sorciers, et comme les Kohens, comme les devins, d'accord? Le prophète, il n'a pas hésité à le qualifier comme, que sa parole, c'est Saj'al Kohen. Et il a dit même que c'est parmi les Ikhwan de Kohen, parmi les frères des devins. Très bien. Ainsi que le quatrième livre, At-Ta'assub al-Zamim. Il ne s'agit pas de se crisper à al-Batil. Et Cheikh Rabi', il a beaucoup d'autres livres. Le Cheikh ici, il a cité à titre d'exemple. Il a d'autres livres, Cheikh Rabi', qui montrent cette voie en détail. Parce que la personne, lorsqu'on lit les livres de Cheikh Rabi', on trouve qu'il y a, donc la voie du Salaf, elle est claire devant nous. Donc c'est en détail, il détaille les choses et les points. Au point que, à une époque, dans mon expérience personnelle, je pensais que là, lorsque j'ai écouté Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, etc., que donc voici la voix du Salaf. Alhamdoulilah, donc ça, déjà on se sépare des gens des innovations. Mais lorsque j'ai lu Cheikh Rabi', j'avais l'impression que c'est pour la première fois que je connais Manhaj Salaf. Tellement il est clair et tellement il est limpide, et tellement chaque chose il la détaille. Il y a une risala qu'il a intitulée aussi par le verset qui est « وَكَدَيْكَ الْفَصُلَيَتْ وَلِتِسَّبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ » C'est-à-dire, il te montre la chose, elle devient claire. Toujours, lorsqu'il critique l'innovation, il va montrer les preuves comme quoi c'est une innovation. Très bien. Le Cheikh, après cela, après avoir fait ce renvoi, donc d'aller vers ses livres si on veut plus de détails, il a dit « Et sois avisé contre l'exagération de ceux qui mentent, pour intimider et qui ont accusé les imams de la sunna, parmi lesquels il y a notre érudit Cheikh Rabi', il est parmi ceux qui ont été accusés, donc ceux qui ont été malheureusement insulté à notre époque, d'accord. Il a dit, et sois avisé contre l'exagération, le roulette, de ceux qui mentent, le kazabon, ceux qui mentent, pour intimider et qui ont accusé les imams de la sunna, tel que Cheikh Rabi', ils les ont accusés de quoi? D'excès dans la critique, tel que ce qu'avait fait ce Mohamed Hassan, il a dit, roulette, farhou tali, Leur prédécesseur, le prédécesseur de ce Mohamed Hassan et de ceux qui vont s'attaquer aux gens de la Sunna, leur prédécesseur c'est qui? C'est Bakr bin Hamad al-Maghribi. Il y avait un Marocain, innovateur, qui, pour dénigrer les gens du Hadith, parmi lesquels il y a Ibn Ma'in, il avait dit cela, pour effrayer les gens, pour que les gens ne retournent pas vers les critiques, vers la critique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de dire que Ibn Ma'in il est en train de faire une chose grave. Il a dit, voici la traduction de ce qu'il a dit, ce qu'il a dit en vers. Ibn Ma'in a une parole relative aux hommes pour laquelle il sera interrogé en présence du roi, le Malik. hein, le roi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ici, hein. Donc là, il était en train de dire que Ibn Ma'in va rendre des comptes concernant cela, hein. D'accord? Hein, c'est-à-dire, il était en train de dire que sa critique des gens, c'est grave, c'est mauvais, hein, qu'il va rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir, hein. S'il avait dit vrai, si c'est une critique vraiment avec des preuves, s'il avait dit vrai, elle relève de la médisance. Hein, c'est comme avait fait ce Ayman dans un audio. Il a dit, si c'est vrai, donc c'est de la médisance. Et si ce n'est pas vrai, c'est de Al-Iftira. Hmm? On va voir comment on va lui répondre donc un imam, le cheikh de Bukhari, comment il a répliqué à cet homme, Bakr bin Hamad al-Maghribi. Donc là, il a dit, si c'était vrai, hein, elle relève de la médisance. C'est-à-dire, si la parole de Ibn Ma'in, elle est vraie, elle relève de la médisance. Et si c'est du mensonge, le remboursement est alors dur, hein. C'est-à-dire, il doit rendre encore plus, hein, de hasanat, hein. Il sera satisfait davantage pour avoir menti sur des gens. D'accord? Abu Abdillah al-Humaydi, qui est parmi les shuyukh de Al-Bukhari, Abu Abdillah al-Humaydi lui répondit alors, hein, lui répondit alors par un long poème, hein. Il a dit, s'il n'y avait pas les rapporteurs de religion, laoulahad muhaddithin, s'il n'y avait pas les rapporteurs de religion, elle serait perdue, et ses repères parmi les derniers seraient éteints. لو ما كان أهل العلم مثل ابن معين وهذا الأئمة لما وصلنا هذا الدين هكذا صافي هذه السنة وهذه الأشياء. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé son livre, il a protégé la sunna par l'effort des gens de la sunna. D'accord? Il a dit, s'il n'y avait pas les rapporteurs de religion, elle serait perdue et ses repères parmi les derniers seraient éteints. Ce sont eux qui ont protégé les textes face à toute ambiguïté, tandis que d'autres étaient insouciants de ce qui, hein, de ce qu'ils se procuraient comme marchandises. Ils ont voyagé pour la rassembler et se sont hâtés vers tout horizon alors que le but était pénible. Ils ont recommandé les rapporteurs et en ont critiqué. Partant, ce qui fut authentiquement relaté perdura et il est, hein, tout neuf. D'accord? Donc là, il était en train de faire l'éloge des gens de l'hadith, hein, pour que le kadhib de cet homme ne soit pas, c'est-à-dire une cause qui va dévier les gens par rapport au muhaddithin. Donc le cheikh l'a dit, confère ces longs vers, hein, que Al-Khatib avait recueilli dans Al-Kifaya, page 38, à partir de la page 38. Donc là, le cheikh, finalement, il a dit, nous implorons Allah de nous guider au sentier de la secte sauvée, qu'il écarte de nous les sentiers des groupes inventés, qu'il nous accorde le succès afin de valoriser ce que les pieux prédécesseurs ont valorisé parmi les savoirs et les fondements, parmi lesquels se trouve la science de la critique et de l'éloge, le fondement de la réfutation, des gens d'innovation et des passions. Nous nous désavouons à Allah du dénigrement des imams du hadith, hein, et de la sunna, hein, yabra insan ila Allah min qawlha Muhammad Hassan wa amsali, hein, c'est-à-dire, hein, nous nous désavouons à Allah du dénigrement des imams du hadith et de la sunna, de leur donner des mauvais sobriquets. Cela fait partie de la défaite et de la perte, hein. Cela, il rentre dans la perte et dans la défaite que de critiquer les gens de la sunna, que donc de les dénigrer, hein. Que les personnes crédibles soient critiqués et que ceux qui sont critiquables soient recommandés parmi les sectaires, les conteurs et ceux qui se fanatisent à la force et aux passions. C'est une manière d'attribuer les affaires à des gens incompétents, hein, comme il est attesté dans le hadith de Abi Huraira radhiyallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le dépôt sera perdu, alors attends l'heure. Et d'adouyatil amana fantadarissa'a. D'accord, hein? Et il dit, Abu Huraira, il a réagi, donc devant cette parole, il dit, comment il sera perdu au messager d'Allah? Le messager répondit, hein, quand l'affaire sera attribuée à des gens incompétents, attends donc l'heure, hein? Ida usnid al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. D'accord? Rapporté par Al-Bukhari. Al-Hafid, hein? C'est-à-dire Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafid avait dit dans Al-Fath, le volume numéro 11, page 334, voilà la traduction donc du sens de ce qu'avait dit Al-Hafid, rahimahullah. Il a dit, et ce qui est voulu par l'affaire, l'amr, l'amr, l'affaire, c'est le genre des affaires qui ont trait à la religion, comme le califat, l'émirat, la magistrature, l'iftia, etc. C'est-à-dire que ces affaires doivent être données à des gens pieux, à des gens pieux, d'accord, etc. Sa parole à des gens incompétents, c'est-à-dire il a ghairi ahli, à des gens incompétents, Al-Karamani, l'imam Al-Karamani rahimahullah, Ibn Harb Al-Karamani rahimahullah, dit, il a employé le mot ila au lieu de al-lam. Il a dit ila ghairi ahli au lieu de li ghairi ahli. Il a employé ila au lieu de al-lam afin d'inclure le sens de l'affectation, al-isnad, ida usnid al-amru li ghairi ahli, l'affectation. Et sa parole attend donc l'heure, fantadari sa'a. Al-fa, est pour l'arborescence, al-tafri'. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ceci, attends ce fruit, attends ce résultat. Al-tafri', l'arborescence, ou pour la réponse à la condition et l'idée. Ou l'ijawabi, al-sharti, al-mahzouf. C'est comme de dire, si l'affaire sera ainsi, alors attends ceci. Ibn Battal, rahimahullah, dit, le sens d'octroyer l'affaire à la personne non pertinente, c'est qu'Allah a confié au commandant le dépôt envers les serviteurs. Amen. C'est un dépôt. D'accord? Il leur enjoint de leur vouloir le bien, de vouloir le bien pour leur ra'iya. D'accord? Il convient donc pour eux d'affecter les gens religieux. أن يعينوا الناس الذين يكون لهم نصح للأمة ويكونون يعني أكفاء. S'ils affectent d'autres que, ils auront donc gâché le dépôt d'Allah Ta'ala, le dépôt qu'Allah Ta'ala leur a confié. D'accord? D'après Hudhayfa, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis deux hadiths, deux paroles. J'ai vu l'un d'eux, c'est-à-dire que j'ai vu déjà que l'un d'eux il s'est réalisé, et j'attends l'autre. Il nous raconta que le dépôt était descendu au fond des cœurs des hommes, puis ils ont appris du Coran et de la Sunna. Annahu nazalat il amana fi jidri qulub ar-rijal. D'accord? Elle a été descendue, l'amana, au fond des cœurs des hommes, puis ils ont appris le Coran et la Sunna. Il a dit, et j'attends l'autre. Il renseigna sur le fait qu'il sera élevé. Que ce dépôt sera élevé. Il dit, l'homme s'endort d'un somme ou d'un sommeil, il va s'endormir. Le dépôt sera retiré et il laisse une trace comme celle d'un bouton, al-wakt, dans son cœur. Il va laisser une trace dans son cœur. ينام الرجل نومة فيعني تخبد من قلبه هذه الأمانة فيبقى لها أثر مثل الوقت. الوقت c'est comme un bouton. Comme un bouton. D'accord? Puis il fait un somme, le dépôt sera enlevé et il laisse une trace comme celle de la braise ayant passé sur une peau. كجمر دحرجه على رجل. D'accord? Il laisse une autre trace. Le prophète, il a décrit cela, les gens de science l'expliquent. D'accord? Sera enlevé et il laisse une trace comme celle de la braise ayant passé sur une peau. C'est-à-dire que cette deuxième trace, c'est ce qu'il a dit dans le hadith al-majl. Yatruk alama ou athar mitl al-majl. C'est la trace que laisse une braise lorsqu'elle passe sur donc le pied par exemple. Il a expliqué le prophète, la traduction toujours donc de cette parole, comme une braise que tu passes sur ton pied, elle suscite une éruption au pied, une éruption, d'accord? Tu le vois enflé, mais il ne contient rien. C'est-à-dire que cette amana, elle a été retirée. D'accord? Les gens feront des transactions. Hein? C'est-à-dire ils auront des mu'amalas, des transactions entre eux. Les gens auront des transactions. Hein? Presque personne ne s'acquitte de son dépôt. Imaginez, presque personne ne va s'acquitter de son dépôt. Ça c'est grave, hein? Presque, donc c'est-à-dire à un temps, à une époque, personne ne s'acquitte de son dépôt. C'est-à-dire si par exemple il lui reste, par exemple quelque chose à rendre au vendeur, hein, par exemple, il ne va pas donc s'acquitter de son dépôt. Presque personne ne s'acquitte de son dépôt. Il sera dit, au point qu'il sera dit, hein, il se trouve parmi les gens d'un tel, dans un endroit, on va en parler comme étant, c'est-à-dire une exception. Il se trouve parmi les gens d'un tel un homme qui respecte le dépôt. Hein, حتى يقال في بني فلان يوجد رجل يحفظ الأمانة. Hein, d'accord, et qui respecte le dépôt. D'accord. En fin du hadith ici, il sera dit d'un homme, hein, il rapporte aussi une parole, hein, comme il est raisonnable, hein, il sera dit d'un homme, donc à cette époque, il sera dit d'un homme, comme il est raisonnable, comme il est sympathique, comme il est endurant, alors qu'il n'a pas un atome de foi dans son cœur, rapporté par le Bukhari. D'accord? Peut-être qu'on est en train de vivre des choses comme cela à notre époque. C'est-à-dire, ils vont dire d'un tel, comme il est raisonnable, comme il est sage, comme il sait parler, comme c'est un penseur. Hein? Ma adrafa, ma aqala, ma ahlama. Hein? Alors qu'il n'a pas un atome de foi dans son cœur. Hein? Donc, il ne s'agit pas donc de suivre les gens qui sont sur YouTube et sur... C'est surtout ce Facebook, hein, et ainsi de suite. Il s'agit de revenir, ça c'est grave, hein, de revenir, ça c'est une ma'ida que le cheikh nous fait à la fin de cette risala, d'accord. Et d'après Abdillah ibn Omar, radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, hein, voici la traduction rapprochée du sens de ce hadith, hein, les gens ressemblent à une centaine de chameaux, hein, mais parmi lesquels il n'y a pas une monture, rapporté par Bukhari et Muslim. Hein? C'est-à-dire que c'est comme lorsque tu trouves 100 chameaux, mais parmi lesquels aucun donc ne sert pour comme monture pour se déplacer. C'est-à-dire il y a beaucoup d'hommes, il y a des hommes, mais vous n'allez pas trouver vraiment des gens qui vont donc vraiment avoir le sens du dépôt et avoir, c'est-à-dire le souci donc de respecter ou d'honorer leur c'est-à-dire leurs paroles et ainsi de suite. Très bien, rapporté par le Bukhari et Muslim, cela fait partie de l'étrangeté de l'islam authentique. Et il n'y a nul changement, hein, ni force si ce n'est par Allah. Et que la prière et le salut soient sur Muhammad, sa famille et ses compagnons. Voilà comment donc le cheikh, il a fini cette risala. Nas'Allah Azza wa Jal an yanfa'ana bima sami'na wa bima qulna wa an yanfa'ana wa an yaj'alana mimman yastami'u ina al-qawl fa yattabi'una ahsana. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens qui, lorsqu'ils entendent le rappel, ils vont se rappeler, hein, ils vont suivre donc la voie de sunnah, la voie de salaf salih, et non pas se laisser faire et se laisser avoir par les gens d'innovation. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.